Que voyons-nous en ce moment ? Demanda Michel. La partie septentrionale de la mer des nuées, répondit Barbicane. Cette mer des nuées est assez douteusement délimitée sur les cartes. Et bientôt apparurent les sommets qui ferment cette mer à sa limite septentrionale. Devant se dressait une montagne rayonnante de toute beauté. C'est ? Demanda Michel. Copernic, répondit Barbicane. Voyons Copernic. Ce Copernic forme le système rayonnant le plus important du disque après Tycho, situé dans l'hémisphère méridional. Barbicane put en reconnaître exactement les dispositions principales. En ce moment, le projectile dominait le cercle perpendiculairement. La circonvallation de Copernic formait un cercle presque parfait et ses remparts très escarpés se détachaient nettement. Cependant, le projectile s'avançait avec une vitesse presque uniforme en prolongeant le disque lunaire. Les voyageurs, on l'imagine aisément, ne songeaient pas à prendre l'instant de repos. Chaque minute déplaçait le paysage qui fuyait sous leurs yeux. Vers 1h30 du matin, ils entrevirent les sommets d'une autre montagne. Barbicane, consultant sa carte, reconnut Eratosthène. C'était une montagne annulaire, haute de 4500 mètres, l'un de ces cirques si nombreux, sur le satellite. Bientôt, Eratosthène disparut sous l'horizon sans que le projectile s'en fût suffisamment approché pour permettre une observation rigoureuse. Dans l'orographie lunaire, on a distingué quelques chaînes de montagnes. De ces diverses chaînes, la plus importante est celle des Apennins, dont le développement est de 150 lieues. Mais les voyageurs ne purent qu'entrevoir le sommet de ces Apennins. Vers 2h du matin, Barbicane se trouvait à la hauteur du 20e parallèle lunaire. La distance du projectile à la Lune n'était plus que de 1200 km, ramenée à 3 lieues au moyen des lunettes. Barbicane, voyant que son projectile se rapprochait régulièrement du disque lunaire, ne désespérait pas, ne pouvant l'atteindre, de surprendre au moins les secrets de sa formation.